Radiomatic. Pour amorcer la transmission 5-4-2 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter le projet américain Deserta, mené par Matthew Doughty, qui a fait partie du groupe Saxon Shore et qui fait partie de la formation Midnight Faces, du deuxième album de son projet Deserta, qui s'intitule Every Moment, Everything You Need, et qui est paru en 2022. Nous écoutions la chanson Visions. Sans attendre, poursuivons la transmission d'Audiomatic sur la musique du projet Cyclothymia. Thank you. y los ratos que estaba ocioso, se daba en leer libros de caballería con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Audiomatique, nous venons tout juste d'entendre la version que nous offre le projet Mindless Fate de la pièce Der Angriff, originalement composée par le groupe Frontline Assembly. Ce remix se retrouve sur l'album EP Der Angriff et la pièce apparaît dans sa version originale sur l'album Improvised Electronic Device sorti en 2010. Avant cela, nous écoutions le projet Paisahitress et sa composition Undermind tirée de l'unique album intitulé Session Invernale publié en 2016. Et pour amorcer la séquence, c'était le duo russe Cyclotimia de qui nous écoutions la pièce Stuck Demons parue sur l'album Styx sorti en 2009. Audiomatique se poursuit maintenant avec la formation allemande The Ocean Collective. We'll be right back. Il s'agissait à Audiomatic de la formation allemande The Ocean Collective, de son album Phanerozoic II, Mesozoic, Kenozoic Instrumental, sorti en 2020. Il nous présentait la version instrumentale de la pièce Jurassic Cretaceous. Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique de Future Sound of London. Thank you. We'll be right back. Audiomatique, nous venons d'écouter le projet uruguayen Lopez et sa composition Lost Tape No. 2 tiré de l'album Free, disponible en téléchargement gratuit sur la page Bandcamp de l'artiste au lopez.bandcamp.com. Avant cela, c'était le projet Theremin Quattro et sa composition Rio Hablador, qu'on peut retrouver sur la compilation, To Me One, Musica Electronica Popular del Pérou, disponible en téléchargement gratuit sur la page Bandcamp de l'étiquette numérique Caral Electronica. Et pour amorcer la séquence, nous avions droit au duo de Future Sound of London et sa composition Fresh Line, tirée de l'album Life in Moments. En conclusion de cette transmission 5-4-2 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre le projet canadien Art Déco. De son plus récent album studio, Serene Demon, lancé le 14 février 2025, nous entendrons la chanson-titre. La transmission 5-4-3 d'Audiomatique sera diffusée mercredi prochain dès 17h en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM. Avant d'être classée dans les archives numériques d'Audiomatique, dont une des portes d'entrée principales se trouve sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Voici donc Art Déco et la chanson titre de son plus récent album, Serene Demon. C'était Audiomatique avec les sonoristes.